Chapitre 6e. Mademoiselle, répondit le brigadier, s'avançant vers les degrés du perron en compagnie des prisonniers, c'est des espions que nous avons arrêtés à Saint-Rouen et que nous emmenons à monsieur le maire. Leurs manigances ont irrité les gens du pèlerinage, et, dame, ajouta-t-il avec un malin sourire, on les a un peu houspillés en route. La jeune fille examinait les deux frères qui marchaient silencieusement entre les gardes. Ils étaient couverts de poussière, et leurs vêtements désordres portaient la trace des violences subies. Néanmoins, ils faisaient bonne contenance, et malgré l'état piteux de leur toilette, la fille du maire ne parut point partager l'opinion des indigènes et leur trouver trop mauvaise mine. Ses yeux exprimèrent plutôt une compassion indignée. « C'est honteux !» s'écria-t-elle, en s'adressant aux paysans entassés dans la cour. « Vous êtes pire que des sauvages. Maintenant que vous voici chez nous, tâchez de vous y comporter honnêtement. Mon père est à l'usine, mais on va le prévenir, il sera ici dans quelques minutes. En attendant, monsieur Fleuriot, dit-elle au brigadier, veuillez entrer dans notre cuisine et vous y reposer avec ces jeunes gens. Vous devez tous en avoir besoin. » Elle murmura quelques mots à un petit valet qui s'esquiva par une porte de derrière, puis elle introduisit les nouveaux venus dans la cuisine. Edme et Clément, là de leur marche forcée, s'étaient laissés choir sur des chaises. Encore mal remis des émotions de la route, ils contemplaient avec une sorte de soulagement la grande pièce proprette, carrelée de briques, où l'on sentait comme un parfum de gaieté, d'ordre et de bien-être. Entre les rideaux roses des fenêtres, un oblique rayon de soleil jetait d'éclatantes touches de lumière sur les faïences peintes du vaisselier, sur les rangées de casseroles de cuivre et de coquelles de fonte. Un reflet doré dansait au-dessus de l'évier où l'eau de la pompe s'égouttait sonore. Plus loin, dans la pénombre, la haute cheminée abritait le brasier assoupi de l'âtre, devant lequel grésillait doucement la marmite du pot-au-feu, tandis que sous le manteau noir de suie, des jambons et des chapelets de saucisses pendaient, exposés à la fumée qui les avait colorés d'une chaude patine brune. Edme parcourait d'un regard mélancolique cet intérieur calme et riant. Il enviait le bonheur des autres qui s'y rassembleraient, à la nuit, autour d'une flambée, et faisant retour sur son propre sort et celui de son frère, il se demandait dans quel gîte problématique ils coucheraient tous deux ce soir. Clément, lui, ne semblait pas trop attristé. Son attention se fixait complaisamment sur la personne de la jeune maîtresse du logis, qui allait et venait légèrement par la pièce, tantôt surveillant la cuisson du pot-au-feu, tantôt causant à mi-voix avec une servante assise près de l'évier et affairée à éplucher des légumes qu'elle plongeait ensuite dans une large terrine pleine d'eau. La jeune fille touchait à peine à ses 17 ans, svelte et déjà formée, bien prise dans un corsage de soie écrue et une jupe de laine beige, elle était de taille moyenne, mais le souple élancement du buste et du cou élégamment dégagé des épaules l'agrandissait. Ce cou blanc et flexible supportait une tête mignonne aux cheveux noirs, bouclant naturellement et encadrant de leur frison un front haut et pur. Sous des sourcils finement arqués, les yeux bruns limpides luisaient tantôt sérieux, tantôt souriants. Le nez fermé droit, de lèvres pulpeuses aux coins malicieusement retroussés, un menton volontaire, donnait à son visage, rosé comme une pêche mûrissante, un accent de franchise, de décision et d'enjouement. De son corps au mouvement libre et aisé, émanait une grâce sauvage, singulièrement attrayante. Pendant que Clément étudiait et admirait en artiste cette verte jeunesse prête à s'épanouir, on entendit dans le vestibule le bruit d'un pas solide et hâtif. « Voici mon père, » dit la jeune personne en s'élançant vers la porte entrouverte. Mais déjà, sur le seuil, apparaissait le maire, tête nue, bien découplé, vêtu d'un complet de drap brun, qui mettait en relief ses robustes épaules, son buste un peu court et ses jambes sèches aux vigoureux jarrets de chasseur. Dès le premier aspect, on était frappé de la ressemblance du père et de la fille. Même physionomie ouverte, décidée et avenante, mêmes yeux bruns, clairs et francs, même front haut et carré sous d'épais cheveux noirs. Seulement, chez le père, le teint rosé s'était hâlé et tanné, une barbe touffue cachée en partie les lèvres joviales et les caractères de volonté et de fermeté s'accusaient en traits plus énergiques. « Que se passe-t-il donc, Colette ? » demanda-t-il. Puis, ayant aperçu les forestiers, il s'exclama. « Eh, c'est vous, brigadier Fleuriot ? Quoi de nouveau ?»« Pardon, excusez, monsieur le maire, » répondit Fleuriot, en portant la main à son képi. « Moi et mon garde, nous avons capturé deux particuliers qui troublaient l'ordre à Saint-Rouen. Leur tenue et leurs propos nous ont paru suspects, et à défaut de gendarmes, nous vous les avons amenés pour que vous les interrogiez. On les accuse d'être des espions. » Edme et Clément s'étaient levés à l'arrivée du maire. Celui-ci les enveloppa d'un rapide coup d'œil et haussa les épaules. « Ils sont un peu jeunes pour faire ce métier-là, » murmura-t-il. « Êtes-vous bien sûr de ne pas vous tromper, brigadier ? » Dame, reprit Fleuriot, ils ne payaient pas de mine. D'ailleurs, les gens qui les ont dénoncés nous ont suivis chez vous, monsieur le maire, et ils pourront témoigner de ce qu'ils ont vu et entendu. Clément esquissa un geste de protestation et voulait parler, mais le maire lui ferma la bouche. Tout à l'heure, un peu de patience. Il pirouetta vivement sur ses talons, se dirigea vers le perron, et s'adressant aux groupes épars dans la cour. « Bonjour, messieurs, cria-t-il, que ceux d'entre vous qui ont été témoins des faits reprochés aux deux jeunes gens arrêtés à Saint-Rouen veuillent bien monter chez moi. J'ai besoin de les interroger. » Cette proposition fut accueillie sans empressement. D'instinct, le paysan répugna porter un témoignage en justice. Aussi y eut-il, parmi la foule des badauds, un mouvement marqué d'appréhension et de recul. Visiblement, chacun cherchait à se défiler pour son propre compte et à mettre en avant le voisin. De sourdes interpellations s'échangeaient, on se poussait du coude. « Vas-y, toi, Faro, puisque tu as parlé le premier. Nenni, c'est l'instituteur, il est mieux renseigné que moi. »« Eh bien, j'attends, » s'exclama le maire, impatienté. À la fin, trois des assistants, plus spécialement pris à partie, s'exécutèrent et gravirent en maugréant les marches du perron. Le maire les entraîna dans la cuisine, et lorsqu'ils furent entrés, les interpella d'un ton plus grave. « Vous reconnaissez les deux personnes que voici ? » interrogea-t-il en désignant les frères Courouvre. « Parfaitement, monsieur le maire. »« En ce cas, je vais entendre vos dépositions. Commencez-vous, mon camarade ? » ajouta-t-il en s'adressant au paysan qu'on appelait le Pharaon. « Que savez-vous ? » Ce dernier roula son feutre entre ses doigts et balbutia. « Moi, en particulier, je sais rien, mais tout le monde prétend que ce sont des espions. » « Tout le monde, c'est bien vague. Vous n'avez pas de renseignements plus précis. »« Ma foi, non. Je répète ce que j'ai ouï dire. »« Un autre, » reprit le maire. « Vous, le second, à votre tour. »« Moi, pardine, je les ai vus à Saint-Rouen en train de tirer le plan de la vallée de Bièmes. » »« Et où est-il, ce plan ?»« Le voici, » dit Clément avec une pointe d'ironie. Il exhiba son album et le présenta tout ouvert au magistrat municipal. Le maire examina la page indiquée, feuilleta curieusement l'album, puis le posa sur la table. « C'est le dessin de la chapelle. Il est même habilement fait, mais n'a rien de commun avec le lever d'un plan. Du reste, soyez bien convaincus que les Prussiens, pendant 2 années d'occupation, ont eu malheureusement tout le loisir de prendre les plans des défilés de l'Argonne. Tout ça n'est pas sérieux. » Le troisième témoin se leva alors. Il était vêtu d'un habit veste, portait lunettes et avait le ton sentencieux d'un maître d'école. « Permettez, monsieur le maire, » objecta-t-il d'une voix pointue et chantante, « il n'en est pas moins certain que ces individus ont scandalisé la population par leurs allures et leurs propos. En ce qui me concerne, je sais pertinemment qu'on les a vus à Verdun en compagnie d'un étranger qui photographiait l'effort. Ils ont eu la chance de s'échapper pendant qu'on arrêtait leurs complices. »« C'est faux !» interrompit l'impétueux Clément. « Nous n'avons jamais mis les pieds à Verdun. Cet homme ment comme un arracheur de dents, soit par méchanceté, soit par bêtise. » « Mon garçon, » observa le maire, « injurier un témoin n'est pas le bon moyen de se disculper. Inutile de vous emporter comme une soupe au lait. Vous, jeune homme, » continua-t-il en se tournant vers Edme, « vous me paraissez plus réfléchi et plus de sang-froid. Veuillez vous expliquer. » « Mon frère a eu tort dans la forme, » répliqua Ed posément, « mais il a raison au fond. Ainsi que vous l'avez remarqué vous-même, monsieur le maire, toutes ces accusations ne reposent sur rien de sérieux. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes nés dans la Meuse et nous habitons Juvigny où chacun nous connaît. Mon frère vient de terminer sa rhétorique au lycée et moi-même j'ai achevé mes études. Nous profitons de nos vacances pour excursionner en Argonne. Depuis quand n'est-il plus permis de voyager en touriste et de dessiner des paysages dans la forêt ? À la bonne heure, voilà qui est parlé nettement et sensément. Avez-vous à produire quelques pièces pouvant établir votre identité ? Certes, affirma Edme. J'ai eu la précaution d'emporter avec moi le diplôme de bachelier à sciences que j'ai obtenu en juillet dernier à la faculté de Nancy. » En même temps, il tirait de sa poche le diplôme en question et le présentait à son interlocuteur. Le maire déplia vivement le parchemin, le parcourut et, dès les premières lignes, ne put réprimer une exclamation de surprise. « Courouvre, » murmura-t-il, « seriez-vous par hasard les fils d'Arsène Courouvre ?»« Oui, monsieur. Notre père est mort quand nous étions enfants. » Nous avons été élevés par notre tante Charmette Courouvre, que nous venons de perdre récemment. Du moins, soupira le maire, vous avez eu la chance de la conserver longtemps. Puis il reprit d'un ton plus cordial. Eh bien, mes chers garçons, sans vous en douter, vous vous trouvez en pays de connaissance. Je suis Jean de la Louvière, maître de verrerie et le fils de votre seconde tante, Zélie Courouvre. Par conséquent, nous sommes cousins germains. Il s'interrompit pour congédier les forestiers et les trois paysans qui, ébaubi et confus, cherchait déjà à filer à l'anglaise. « Vous voyez, mes camarades, leur dit-il, qu'il ne faut pas se fier aux apparences ni croire trop vite à ces ridicules fables d'espions. Vous pouvez vous retirer et ramener tous ces braillards qui encombrent ma cour. Bien le bonsoir. » Gardes et témoins se retirèrent en marmottant d'obséquieuses excuses. Peu après, on entendit la foule s'éloigner et les battants de la grille se refermer sur les derniers curieux. « Maintenant que nous voilà en famille, poursuivit M. de la Louvière, en tendant les mains aux deux frères, soyez les bienvenus à la verrerie. Voici ma fille Colette. Je ne puis, hélas, vous présenter à sa mère, car nous l'avons perdue il y a 3 ans, comme vous avez perdu votre père et votre tante Charmette. C'est un deuil commun qui nous rapprochera plus étroitement encore. » Colette avait assisté, les sourcils froncés et l'œil anxieux, à l'interrogatoire. Depuis que tout s'était éclairé, son visage mobile exprimait une satisfaction ingénue. Elle serra avec effusion les mains de ses deux cousins qui lui tombaient du ciel. Pendant ce temps, Jean de la Louvière donnait des ordres à la servante et la chargeait de transporter les sacs des voyageurs dans une autre partie du logis. « J'espère bien, déclara-t-il de sa voix joviale, que vous accepterez l'hospitalité de vos uniques parents. Considérez-vous ici comme chez vous, et pour commencer, voulez-vous que nous fassions ensemble le tour du propriétaire ?» Mais la jeune fille, plus perspicace, intervint. « Papa, se récria-t-elle, y penses-tu ? Nos cousins doivent être très las et sans doute aussi très affamés. Le plus pressé serait d'abord d'avancer le dîner et de les conduire dans leur chambre. « Tu as raison, parbleu, repartit le père en riant. J'ai déjà fait porter leur sac dans la chambre d'amis. Va donner un coup de main à Caddy, et dès que tout sera en ordre, je les piloterai là-haut. » Un quart d'heure plus tard, les deux frères étaient installés au premier étage, dans une pièce confortable et claire, où deux lits jumeaux en pitchpin s'allongeaient en face de deux commodes toilettes garnies de lavabos. Quand ils furent seuls, tout en brossant leurs vêtements et en se débarbouillant de la poussière des routes, Edme et Clément, encore un peu ahuris, s'entre-regardèrent en souriant. « Qu'en dis-tu, mon grand ?» commença Clément. « Te voilà servi à souhait, et tu as retrouvé les parents que tu souhaitais. Avoue que tout est bien qui finit bien, et nous avons été plus heureux que sages. » La fenêtre, large ouverte, laissait voir les jardins, et au-delà des prés, les futaies rougies par le soleil couchant. Sur le fond déjà assombri des lisières, un vaste bâtiment aux cheminées fumantes se détachait à une portée de fusil. « C'est sans doute la verrerie qu'on aperçoit là-bas, » reprit l'aîné. « Elle paraît importante, et notre cousin me fait l'effet d'être un industriel très calé. » Clément, ravi, examinait les parterres fleuris, les vergers abondamment affruités, la prairie où séchait le regain et la futaie empourprée. « Le site est charmant, » murmura-t-il, « et elle est bien jolie. »« Qui ça, la verrerie ?» demanda Edme. « Eh non, notre cousine, grand naïf. Toujours romanesque, il ne te manque plus que de devenir amoureux de Mademoiselle Colette. » À ce même moment, la voix limpide de la jeune fille résonna gaiement dans le couloir. « Mes cousins, » s'exclamait-elle, « quand vous serez prêts, le dîner est servi. »